FSI French Revised, Unit 3, Tape 6. Question Drill. Où allez-vous vendredi prochain? Où peut-on louer des places? Y a-t-il des wagons-lits dans le train pour Chicago? Quand vous allez à New York, déjeunez-vous dans le train? À quelle heure arrivez-vous là-bas? C'est combien le billet pour New York? Arrivez-vous en retard pour prendre un train? Fermez-vous toujours la porte du compartiment? Peut-on prendre un café au wagon-restaurant? Y a-t-il toujours des places dans les compartiments pour fumeurs? À quel guichet demandez-vous l'heure de départ des trains? Où loue-t-on les places? Fait-on enregistrer les bagages à la location? Où peut-on fumer dans un train? Response Drill. Demandez à Monsieur X s'il loue des places pour New York. Monsieur, louez-vous des places pour New York? Demandez à Monsieur s'il va prendre le train ce soir. Monsieur, allez-vous prendre le train ce soir? Dites que vous allez déjeuner au wagon-restaurant. Je vais déjeuner au wagon-restaurant. Dites que vous déjeunez à la gare. Je déjeune à la gare. Demandez à Monsieur X si le train de 7h20 est en retard. Monsieur, le train de 7h20 est-il en retard? Dites que votre malle n'est pas verte. Ma malle n'est pas verte. Demandez à Monsieur X combien de valises il a. Monsieur, combien de valises avez-vous? Demandez à Monsieur X s'il a une petite valise. Monsieur, avez-vous une petite valise? Demandez à Monsieur si on peut louer des coins-fenêtres. Monsieur, peut-on louer des coins-fenêtres? Demandez à Monsieur X s'il y a des wagons pour fumeurs. Monsieur, y a-t-il des wagons pour fumeurs? Demandez à Monsieur X par quel train il part. Monsieur, par quel train partez-vous? Dites à Monsieur X qu'il part par le train de 21h. Monsieur, vous partez par le train de 21h. Demandez-moi si je vais louer une couchette. Allez-vous louer une couchette? Demandez à Monsieur X dans quel wagon sont les couchettes. Monsieur, dans quel wagon sont les couchettes? Review drills. Review drill 1. Elle ne déjeune pas au café. Elle ne déjeune pas au café. Nous. Nous ne déjeunons pas au café. Allons. Nous n'allons pas au café. Je ne vais pas au café. Suis. Je ne suis pas au café. Vous. Vous n'êtes pas au café. Déjeuner. Vous ne déjeunez pas au café. Nos amis. Nos amis ne déjeunent pas au café. Sans. Nos amis ne sont pas au café. Mon ami. Mon ami n'est pas au café. Déjeune. Mon ami ne déjeune pas au café. Review drill 2. Elle ne monte pas les valises. Elle ne monte pas les valises. Je ne monte pas les valises. Montant. Nous ne montons pas les valises. Il ne monte pas les valises. Portez. Vous ne portez pas les valises. Elle ne porte pas les valises. Fermons. Nous ne fermons pas les valises. Je ne ferme pas les valises. Avez. Vous n'avez pas les valises. Nous. Nous n'avons pas les valises. Demandez. Vous ne demandez pas les valises. Il ne demande pas les valises. Review drill 3. Tutor. J'arrive à 2 heures. Student. Je n'arrive pas à 2 heures. Ils arrivent à 2 heures. Ils n'arrivent pas à 2 heures. Je ferme la fenêtre. Je ne ferme pas la fenêtre. Elles écoutent la leçon. Elles n'écoutent pas la leçon. Ils louent les places. Ils ne louent pas les places. Je rentre à midi. Je ne rentre pas à midi. Je vais au restaurant. Je ne vais pas au restaurant. Il va à la gare. Il ne va pas à la gare. Je parle français. Je ne parle pas français. Nous montons les bagages. Nous ne montons pas les bagages. Nous avons les bagages. Nous n'avons pas les bagages. J'apporte la valise. Je n'apporte pas la valise. Nous changeons de chambre. Nous ne changeons pas de chambre. Review drill 4. Je vais dans la rue. Je vais dans la rue. Au restaurant. Je vais au restaurant. Il est. Il est au restaurant. Dans le train. Il est dans le train. Nous sommes. Nous sommes dans le train. Dans le compartiment. Nous sommes dans le compartiment. Elles sont. Elles sont dans le compartiment. Au bureau. Elles sont au bureau. Il est. Il est au bureau. Dans la salle de bain. Il est dans la salle de bain. Je vais. Je vais dans la salle de bain. À la gare. Je vais à la gare. Ils sont. Ils sont à la gare. À l'hôtel. Ils sont à l'hôtel. Je vais. Je vais à l'hôtel. Dans la rue. Je vais dans la rue. Review drill 5. Je suis au restaurant. Je suis au restaurant. Gare. Je suis à la gare. Café. Je suis au café. Hôtel. Je suis à l'hôtel. Guichet. Je suis au guichet. Lille. Je suis à Lille. Fenêtre. Je suis à la fenêtre. Review drill 6. Il est dans le train. Il est dans le train. Fenêtre. Il est à la fenêtre. Rue. Il est dans la rue. Premier étage. Il est au premier étage. Guichet. Il est au guichet. Salle de bain. Il est dans la salle de bain. Compartiment. Il est dans le compartiment. Paris. Il est à Paris. Train. Il est dans le train. Review drill 7. Il a la chambre 12. Il a la chambre 12. Il va. Il va dans la chambre 12. Premier étage. Il va au premier étage. Il loue. Il loue le premier étage. La place. Il loue la place. Il a la place. Chambre 14. Il a la chambre 14. Il déjeune. Il déjeune dans la chambre 14. Restaurant. Il déjeune au restaurant. Il est au restaurant. Chambre 12. Il est dans la chambre 12. Il a la chambre 12. Review drill 8. Tutor. J'ai les billets. Student. Vous avez les billets? Vous êtes en retard. Je suis en retard. Je vais à Paris. Vous allez à Paris? Vous êtes en avance. Je suis en avance. Je rentre la semaine prochaine. Vous rentrez la semaine prochaine? Je loue les places. Vous louez les places? Vous arrivez à 2 heures. J'arrive à 2 heures. Je ne suis pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait? Vous montez les valises. Je monte les valises. Vous avez les billets. J'ai les billets. Je parle français. Vous parlez français? Review drill 9. Tutor. C'est à l'enfant. Student. C'est aux enfants. Tutor. Voilà la valise. Student. Voilà les valises. Voilà la mezzanine. Voilà les amis de Janine. C'est à l'ami de Janine. C'est aux amis de Janine. Voilà le billet. Voilà les billets. C'est à l'enfant. C'est aux enfants. Écoutez cet enfant. Écoutez ces enfants. Ne lisez pas cette leçon. Ne lisez pas ces leçons. Voilà une fiche. Voilà des fiches. Où puis-je prendre cette fiche? Où puis-je prendre ces fiches? Voilà l'heure de départ. Voilà les heures de départ. J'ai un ami français. J'ai des amis français. Parlez à la sœur de Janine. Parlez aux sœurs de Janine. This concludes Unit 3.